Je ne suis pas né d'ici, ni d'une banlieue paumée. Déjà tout petit, je les embobinais. J'ai pas beaucoup grandi, mais bon, ça va, je sais. Mais du dimanche au samedi, je fais ce qui me plaît. Oh, je suis, je resterai le petit Nicolas, celui qui dit ce qu'il faut faire, mais qui fait ce qu'il faut pas. Pa-pa-pa-pa-pa-da. Pa-pa-pa-da. Je gagne presque à tous les coups, les autres s'en mordent les doigts. J'ai des manières de voyou, peu de gens le voient. Je suis un vrai filou, mais je fais la loi. On m'a même traité de fou, ceux-là ne sont plus là. Oh, je suis, je resterai le petit Nicolas, celui qui dit ce qu'il faut faire, mais qui fait ce qu'il faut pas. Pa-pa-pa-pa-pa-la. Pa-pa-pa-la. J'ai décidé de changer s'il faut mes convictions. Pourvu que je puisse gagner, je fais des concessions. Je trahis mes alliés, je pourrais changer de nom. Je souris aux bébés comme au fond des pensions. Oh, je suis, je resterai le petit Nicolas, celui qui dit ce qu'il faut faire, mais qui fait ce qu'il faut pas. Pa pa pa pa pa la. Pa pa pa la. Je peux pas croire que tous ces gens qui ont voté pour moi imaginent un seul instant que je ne les tromperai pas. Je joue les innocents, mais à chaque fois je déclame mes boniments, tout ce beau monde y croit. Oh, oh, je suis, je resterai le petit Nicolas, celui qui dit ce qu'il faut faire, mais qui fait ce qu'il faut pas. Pa-pa-pa-pa-pa-la. Pa-pa-pa-la. Je suis, je resterai le petit Nicolas, celui qui dit ce qu'il faut faire, mais qui fait ce qu'il faut pas.